marcher sur la route de la vie. Je demandais à tous mes amis, mais où est-elle, la princesse de mes nuits étoilée, au rire et aux courbes dessinées par le soleil. J'ai brisé des miroirs infidèles qu'ont voulu camoufler au réveil mes insomnies. Toutes ces heures où la vie vous semble creuse à cause de l'absence de sa reine de mille et une nuits. À ce que tu es belle comme sont beaux tes yeux, prête-moi tes dentelles, un de nos irons vieux. Quand tu frôles ma peine, tu bouscules les cieux, tu ranimes mes veines, tu ranimes mon feu. On cesse un beau jour de rêver à la grâce, à la beauté, ça fait bobo. T'as touché avec tes pieds de biche mon panthéon de gosse, on s'en fiche, à nous la joie. Merci au temps d'avant de se taire, car la vie livre tout ce mystère à qui te voit. Tu brises avec tes pieds de biche ton panthéon de gosse, on s'en fiche, à nous la joie. À ce que tu es belle comme sont beaux tes yeux, prête-moi tes dentelles, un de nos irons vieux. Quand tu frôles ma peine, tu bouscules les cieux, tu ranimes mes veines, tu ranimes mon feu. À ce que tu es belle comme sont beaux tes yeux, prête-moi tes dentelles, pas de nous irons mieux. Quand tu frôles ma peine, tu bouscules les cieux, tu ranimes mes veines, tu rallumes mon feu.